بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في المنظومة الميمية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. Donc nous continuons la lecture dans le poème الميمية de Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah. فيقول الناظم نبذة في وصية طالب العلم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم ومن يكن يقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم كفاه من كان في شورى وهدى وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر هذه النبذة الطيبة المشتملة على جملة من الوصايا لطالب العلم. Donc, l'auteur donc entre dans le vif du sujet en ce qui concerne donc son poème sur les conseils à l'étudiant par donc cette série d'exhortations et de conseils qu'il prodigue à celui qui veut apprendre la science. Et il dit, « Ya talib al-ilm, la tabri bihi badalan, faqad zafirta wa rabbi al-lawhi wal-qalami. » Donc il dit, « Ô étudiant en science, ne cherche rien en échange d'elle, en échange de la science, car tu as certes obtenu la réussite, tu as certes obtenu un grand gain par le Seigneur, de la tablette et de la plume. فبدا هذه النبذة الطيبة بهذا النداء اللطيف يا طالب العلم يا من أكرمك الله ومن عليك باللحاق في بهذا الركب الطيب المبارك ويسر لك أن تكون من طلاب العلم. Donc l'auteur commence à interpeller celui qui écoute donc ce poème en l'appelant « Ô toi, étudiant en science, toi à qui Allah, toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, toi qu'Allah a honoré et t'a fait rejoindre le rang de ceux qui recherchent la science. Toi qu'Allah a honoré par le fait que tu vas rechercher la science, par le fait de rechercher la science. Donc, écoute ce que l'auteur va te dire. Il te dit, « La tabri bihi badalan, ne recherche rien en échange de la science. » « Fal'ilmu afdalu matloub, wa ashrafu amrin, tushralu fihi l'anfas, wa tumda fihi l'awqat. » فأنت في خير عظيم وفضل عميم. Donc, ne recherche rien pour remplacer la science. C'est-à-dire, ne délaisse pas la science pour aller rechercher autre chose. Car la science est la meilleure des choses que nous pouvons rechercher. Et la plus noble des choses, la plus noble des choses dans laquelle nous devons passer notre temps. Donc, si tu es dans le chemin de la science, si tu es dans le chemin de la recherche de la science, sache que tu es dans un grand bien et dans une chose qui a une valeur immense. وأكد الناظم رحمه الله ذلك بالقسم بالله رب اللوح والقلم. Et l'auteur a appuyé ce conseil, donc de rechercher la science et de ne pas rechercher autre chose qu'elle, en échange. L'auteur a appuyé cela en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Wa rabbi al-lawhi wal-qalami » par le Seigneur de la table, de la tablette et de la plume. Yani, tu as certes obtenu un grand gain par Allah, Seigneur de la tablette et de la plume. وفي هذا براعة الاستهلال. وفي هذا براعة الاستهلال. Et il y a là-dedans donc yani, la sagesse de l'auteur qui a commencé donc ce chapitre en jurant par Allah, le Seigneur de la tablette et de la plume. فَإِنَّ اللَّوْحَ وَالْقَلَمْ فَإِنَّ اللَّوْحَ وَالْقَلَمْ هُمَا آدَاتِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ هُمَا آدَاتِ وَآلَاتِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ. Car la table, la tablette et la plume sont les outils sur lesquels nous écrivons, avec lesquels nous écrivons la science. Donc c'est pour cela qu'il a juré par Allah, le Seigneur de la tablette et de la plume. Et comme je disais, en arabe, ils appellent ça « bara'atul istihlal ». C'est le fait de commencer quelque chose, de commencer un discours, en faisant une allusion au sujet qui va être traité. Donc lorsqu'il a juré par Allah, le Seigneur de la tablette et de la plume, c'est pour te dire que donc ces deux choses-là, la tablette, car dans, aux temps anciens, ils écrivaient sur des tablettes. Il n'y avait pas encore de papier tel que nous le connaissons au jour d'aujourd'hui, et de cahiers. Donc la tablette, ou ce qui prend sa place au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le cahier, la feuille, et la plume, qui au jour d'aujourd'hui, donc les stylos et les crayons. Ce sont les deux outils avec lesquels tu vas écrire la science. Et c'est pour cela qu'il a juré par ces deux choses-là. Car l'auteur aurait pu dire par le Seigneur des mondes, par le Seigneur de l'univers. Mais il a voulu te faire une allusion au sujet qu'il est en train de traiter, qui est la science. Thumma qal. وقدس العلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. Puis il te dit honore la science et sache bien l'immense valeur qu'elle a. Sache bien l'immense valeur qu'elle a et honore-la à travers ta parole, à travers tes paroles et tes actes. Et ait un bon comportement. فإن هذا العلم له حرمة. Donc la science, elle a une valeur et elle a un honneur que nous devons respecter. فالمؤلف الناظم يقول لك قدس العلم أي نزه العلم عن كل ما لا يليق به وما لا يليق بطلابه. C'est-à-dire donc honore la science, c'est-à-dire honore la science en te débarrassant de tout ce qui ne convient pas à la science et tout ce qui ne convient pas à l'étudiant en science. Tu ne dois pas avoir un mauvais comportement, tu ne dois pas avoir de mauvaises paroles, tu ne dois pas faire de mauvais actes, de mauvaises actions. Ceci est l'honneur que tu dois apporter et le respect que tu dois apporter à la science. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحترم العلم وأن يحترم كتب العلم وأن يحترم أهل العلم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي أو ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Donc, l'étudiant en science doit respecter la science, et doit respecter les livres de science, et doit respecter les gens de science. Et comme ceci a été rapporté dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne fais pas partie de ma communauté, ou ne fais pas partie de moi, celui qui ne respecte pas nos personnes âgées, et qui n'est pas miséricordieux envers nos enfants, nos petits, et qui ne reconnaît pas à nos savants leurs droits. Ces trois-là ne font pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué d'eux. Celui qui ne respecte pas les plus âgés, et qui n'est pas miséricordieux envers les plus petits, et qui ne reconnaît pas aux savants leurs droits. Izan, هذا شيء. Donc ceci est une chose. ثم قال والآداب فالتزمي. Et respecte les règles de bienséance. Respecte les règles de bienséance. C'est-à-dire les règles de bienséance du talib al-ilm. Les règles de bienséance de l'étudiant en science. فإن طالب العلم فإن طالب طائب العلم له آداب لابد أن يتقيد بها ويلتزم بها. Donc, l'étudiant en sciences, doit avoir un certain comportement. Doit avoir un certain comportement. فقد قال أحد السلف قال من ضيع الآداب ضيع السنن. من ضيع الآداب ضيع السنن. وَمَنْ دَيَّعَ السُّنَنْ دَيَّعَ الْفَرَائِدِ. Un parmi les salafs disait, quiconque néglige le bon comportement, le comportement à avoir, eh bien certes, il va délaisser beaucoup de sunan, beaucoup de sunna. Et celui qui va délaisser les sunan, celui qui va délaisser les sunna, eh bien, il finira par délaisser les obligations. وكذلك قال أحد السلف تعلمنا الأدب ثم تعلمنا آداب طالب العلم ثم طلبنا العلم. Un parmi les salafs disait, nous avons appris tout d'abord le comportement, puis nous avons appris le comportement de l'étudiant en science, puis nous avons étudié la science. فمن لم يلتزم بآداب طالب العلم لا يبارك الله في علمه. Donc celui qui ne suit pas et qui n'a pas le comportement de l'étudiant en science, qui ne respecte pas le comportement que doit avoir l'étudiant en science, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui mettra pas la bénédiction et la baraka dans sa science. ومن اللطائف في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه كان يحدث الناس كان يحدث الناس فذكر له أحد طلابه حديثا فخرج الإمام أحمد من كرسيه وأجلس طالبه على كرسيه وجلس أمامه وطلب منه أن يحدثه بهذا الحديث مرة ثانية حتى يكتبه وهذا الطالب استحيا قال كيف يا إمام أنت الإمام المحدث الإمام أحمد بن حنبل لماذا تجلس أمامي وأنا من تلاميذك؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: أردت أن آخذه على وجهه، أردت أن آخذ الحديث هذا الحديث على وجهه. Donc l'imam Ahmed rahimahullah, le grand imam, enseignait aux gens le hadith. Et un jour, pendant son cours, un de ses étudiants lui a rapporté un hadith qu'il ne connaissait pas. Alors l'imam Ahmed rahimahullah est sorti de son siège et a mis son étudiant à sa place. Puis il s'est assis en face de son étudiant et il lui a demandé de lui réciter ce hadith afin qu'il l'écrive. Donc l'étudiant de l'imam Ahmed a eu honte. Il dit: comment, ô imam, c'est toi l'imam Ahmed ibn Hanbal et moi je suis un de tes étudiants. Comment tu t'assois en face de moi et c'est moi qui va t'enseigner maintenant? Alors l'imam Ahmed rahimahullah lui a dit: j'ai fait ceci car je voulais prendre le hadith comme on doit le prendre. Comme on doit le prendre, comme il se doit. C'est-à-dire avec modestie. Avec modestie. فإن التواضع من أعظم آداب طالب العلم. Car la modestie est une des plus grandes qualités de l'étudiant en sciences. وكذلك مما يدل على اهتمام السلف بالآداب أنه كان أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله أكثر من 5000 طالب. نصفهم لا يكتبون الحديث وإنما يأخذون من الإمام الآداب آداب العلم. Donc parmi les choses également qui montrent l'importance que les salafs donnaient au comportement dans la science, parmi les choses qui prouvent cela, c'est que l'imam Ahmed rahimahullah, il y avait plus de 5000 personnes qui assistaient à ses cours. Plus de 5000 personnes assistaient à ses cours. La moitié d'entre eux n'écrivaient pas la science, n'écrivaient pas le hadith. Simplement, il s'asseyait au cours de l'imam. Simplement, il s'asseyait au cours de l'imam Ahmed pour le regarder et voir quel est le comportement de la science. Il ne prenait de l'imam Ahmed que le comportement dans la science. Plus de la moitié. Sur 5000. إذن باب الآداب آداب طالب العلم باب عظيم وقد أفرده الأهل العلم بكتابات نافعة ومصنفات مفيدة. Donc, ce qui concerne le comportement dans la science, ceci est un domaine très important auquel nous devons prêter attention. Et c'est pour cela que les savants ont écrit des livres spécifiques au comportement de l'étudiant en sciences. Wa azkuru lakum 'ala sabil al-mithal min afdal al-kutub fi hadha az-zaman, parmi les meilleurs livres qu'il y a dans le comportement que doit avoir l'étudiant en sciences à notre époque, parmi les meilleurs livres contemporains, كتاب لليف حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. donc le livre qui s'appelle حلية طالب العلم l'ornement de l'étudiant en sciences. Du Cheikh Bakr Abou Zayd. Hilyat Talib al-Ilm. Bakr Abou Zayd كان من العلماء الكبار السلفيين. Bakr Abou Zayd faisait partie des grands savants salafis. لكن في آخر حياته حصلت منه بعض المواقف غير المحمودة من الدفاع عن سيد قطب والطعن في السلفيين فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له ما حصل منه. Donc je disais, Bakr Abou Zayd faisait partie des grands savants salafis, mais vers la fin de sa vie, il a eu certaines positions non louables. Car il a défendu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb qui est celui qui a revivifié le takfir à notre époque. Donc Bakr Abou Zayd, vers la fin de sa vie, a défendu cet homme-là, a défendu Sayyid Qutb, et a critiqué les salafis. Au jour d'aujourd'hui, il est mort. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses erreurs et de lui faire miséricorde. قلت هذا تنبيها حتى إذا رأيتم بعض كتب بكر أبو زيد بعضها غير محمودة وقد حذر منها العلماء لكن هذا الكتاب حلية طالب العلم كتبه أياما يوم كان محبوبا لدى السلفيين وكان على الجادة وفي هذا الكتاب يحث على الالتزام بمنهج السلف وأخذ العلم عن السلفيين لكن في آخر حياته والعياذ بالله انحرف فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Donc je disais que je vous ai cité cela afin que si vous voyez un livre de Bakr Abou Zayd, que vous sachiez qu'il y a des livres que cet homme a écrit, que ce cheikh a écrit, et des livres que contre lesquels les savants ont mis en garde. Les livres qu'il a écrits après avoir donc eu certaines mauvaises positions, comme le fait de défendre l'innovateur Sayyid Qutb et de critiquer les salafis, certains de ces livres donc ne sont pas des livres recommandables. Mais les livres qu'il a écrits avant cela, les livres qu'il a écrits à l'époque où il était salafi, comme ce livre dont je vous ai, que je vous ai conseillé, L'ornement de l'étudiant en sciences, Hilyat Talib al-Ilm, c'est un livre qu'il a écrit à l'époque où il était avec les salafis. Il était avec les salafis et dans ce livre, il donne des conseils et il nous appelle à suivre la voie des salafs et à ne prendre la science que des salafis. Mais après cela, il a dévié. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Nous demandons à Allah de nous affermir sur la vérité et de nous préserver de toute tentation et de tout trouble. وكذلك من الكتب في هذا في آداب طالب العلم كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين. Également parmi les livres des savants contemporains dans les comportements que l'étudiant en sciences doit avoir, كتاب العلم, le livre العلم, le livre de la science de Cheikh العثيمين. ومن كتب القدامى et parmi les livres donc anciens, je vous en cite deux également. جامع بيان العلم وفضله جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى. Donc le premier livre c'est جامع بيان العلم وفضله, l'essentiel de l'explication de la science et du mérite de la science. qui a été écrit par Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr. Wal Kitab al-Thani est le deuxième livre parmi les livres des anciens. أخلاق العلماء أخلاق العلماء للآجري Le deuxième livre Le comportement des savants qui a été écrit par l'imam Al-Ajurri أخلاق العلماء طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي Puis ensuite donc l'auteur nous dit et fait des efforts avec engagement dans la recherche de la science sans faiblir car si la personne connaîtrait la valeur de la science elle ne dormirait pas Si les gens connaîtraient la valeur de la science, ils ne dormiraient pas. لَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْعِلْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا Si les gens connaîtraient réellement la valeur de la science, ils ne dormiraient pas. Mais ils étudieraient la science jour et nuit. Jour et nuit. وَلِذَلِكَ تَجِدُونَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالطُّلَّابُ الْعِلْمِ الْمُجْتَهِدُونَ لَا يَنَامُونَ إِلَّا قَلِيلًا لا ينامون إلا قليلا بقدر ما يتقون بقدر ما يتقون به على مواصلة الطلب et c'est pour cela que si vous voyez les gens de science et les étudiants en science qui sont motivés les étudiants en science motivés ces gens-là vous les voyez qu'ils ne dorment que très peu ils ne dorment que très peu Ils ne dorment que le temps de quoi de pouvoir reprendre des forces pour pouvoir continuer encore à apprendre. فَيَنَامُ لِلْعِلْمِ وَيَسْتَيْقِظُ لِلْعِلْمِ Donc, il dort pour la science et il se réveille pour la science. ولا يمر عليه يوم إلا وهو يحاسب نفسه ماذا حصل من العلم ماذا حصل من العلم et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne fasse son propre jugement qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui إذا مر عليك يوم ولم تزد علما فهذا يوم يوم مصيبة هذا يوم مصيبة Si jamais il arrive qu'un jour tu n'apprennes rien dans une journée s'il y a un jour où tu n'apprends rien eh bien sache que ce jour-là est une catastrophe pour toi c'est une catastrophe لأن كل يوم أو كل يوم يمر على الإنسان فهو من عمره وعمرنا قصير والعلم كثير العمر قصير والعلم كثير car chaque jour qui passe c'est une partie de ta vie qui part et la vie est courte la vie est courte alors que la science est immense لو استغللت كل ساعة من عمرك في العلم لما انتهيت إلى الغاية Si tu utiliserais chaque heure de ta vie dans l'apprentissage de la science tu n'arriverais pas au bout de la science même à la fin de ta même jusqu'à ta mort لذلك قال أحد العلماء وما حوى العلم في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. أعيد، وما حوى العلم في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. C'est-à-dire, ce savant, il nous dit quoi dans ce petit poème? Il nous dit, une personne ne peut englober toute la science, même s'il vit 1000 ans. Une personne ne peut englober toute la science, même s'il vit 1000 ans. Puis il te dit, donc, vu que même si tu vis 1000 ans, tu ne pourras pas englober toute la science, il te dit, il te donne un moyen de réunir un maximum de sciences en un temps limité. Donc il te dit, donc prends de chaque science ce qu'il y a de mieux. Prends de chaque science ce qu'il y a de mieux. Comment tu prends ce qu'il y a de mieux dans chaque science? بِحِفْذِ مَتْنِنْ جَامِعِنْ لِلْرَاجِحِ. En mémorisant des livres résumés, succincts, dans chaque matière, tu mémorises des livres résumés succincts qui englobent la majorité des sujets qui sont traités dans cette science et qui en général s'appuient sur les paroles prépondérantes. Donc ça c'est la première des choses, c'est que tu mémorises donc des livres résumés succincts qui englobent la majorité des questions qui sont traitées dans cette science-là et qui en général suivent les avis prépondérants, les avis les plus authentiques. Donc ça c'est la première partie. La partie de quoi? De hifz. Tu mémorises. لأن الحفظ نعم علمك لأن علمك هو محفوظك أو هو محفوظك. Car ta science, en vérité, ta science, vraiment ce qu'on dit, c'est quoi ta science? C'est ce que tu as mémorisé. Non pas ce que tu as compris. Ce que tu as compris, c'est une chose. Mais ce qui va rester avec toi jusqu'à ta mort, c'est ce que tu as mémorisé. Donc c'est pour ça, la budda min al-hifz, c'est pour ça qu'il est une obligation. لمن أراد أن يكون من العلماء أن يحفظ. C'est pour cela qu'il est une obligation pour celui qui veut devenir un savant, c'est une obligation pour lui de mémoriser. فكما قلنا بحفظ متن جامع للراجح. Qu'il mémorise donc un texte, un livre résumé succinct qui englobe la majorité des questions de la science traitée et qui s'appuie sur les paroles ou sur les avis prépondérants. تأخذه على مفيد ناصح. هذا المحفوظ هذا المحفوظ تقرأه تقرأه على مفيد ناصح. Donc ce livre ce livre que tu as mémorisé, ces livres que tu as mémorisés, tu vas les lire et tu vas aller demander leur explication aux savants. C'est-à-dire, une fois que tu as mémorisé, tu vas lire et tu vas étudier ce livre-là avec des savants qui vont t'expliquer ce que tu as mémorisé. وذكر هذا العالم ذكر لنا صفتان لمن تأخذ منه العلم. Et donc ce savant nous a cité deux caractéristiques qui doivent se retrouver chez la personne de qui tu vas prendre ta science. Chez cette personne chez qui tu vas étudier. Il te dit تأخذه على مفيد ناصح. لابد أن يكون مفيدا. Cette personne donc, de qui tu vas prendre ta science, chez qui tu vas l'étudier, faut que ce soit d'une, une personne de qui tu peux profiter, quelqu'un qui est profitable. Et deuxièmement, quelqu'un qui quoi ? Qui est de bons conseils. Quelqu'un qui est de bons conseils. La première caractéristique, c'est-à-dire qu'il soit profitable. هذا بأن يكون عالما بما يدرسك بما يعلمك يكون عالما بهذا الباب بهذا الكتاب. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut qu'il soit profitable, c'est-à-dire qu'il doit être savant, qu'il doit connaître cette chose qu'il va t'enseigner. Il doit la connaître, il doit la maîtriser, il doit connaître ce livre qu'il va t'enseigner. Ça, c'est la première des caractéristiques. Qu'il soit profitable, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui a de la science dans le domaine dans lequel il va t'enseigner. Et la deuxième des caractéristiques, nous avons dit qu'il soit de bons conseils. Qu'il soit de bons conseils. Et cela, que ce soit quelqu'un, an yakuna shakhs, an yakuna multaziman. بدين الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الشركيات والبدع والمعاصي. Donc qu'il soit de bons conseils, c'est-à-dire que déjà en lui-même ce soit quelqu'un qui quoi, qui applique la religion, qui suit la sunna, qui est loin de toute forme de shirk et de toute forme d'innovation et de toute forme de péché. لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ نَفْسَهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَاصِحًا لِغَيْرِهِ. Car celui qui n'a pas porté conseil à lui-même ne pourra pas porter conseil à autrui. Donc la première des choses, c'est qu'il est déjà en lui-même, déjà il applique sa religion. Il pratique sa religion, il pratique la sunna. Il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. De façon générale. لِأَنَّ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ لَكِنْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَمُلْتَزِمًا بِالدِّينِ وَبِالسُّنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc je disais, que ce soit d'une façon générale, qu'il soit dans l'obéissance d'Allah et de son prophète. Car tout être humain commet des péchés. Et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Donc, ce qui compte, c'est que d'une façon générale, cette personne soit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Wala yakunu mubtadi'an. Et qu'il ne soit pas donc un innovateur. لأن المبتدع إنما يدعوك إلى بدعته. Car l'innovateur, il va t'appeler donc à son innovation. فلا يكون ناصحا لك. Donc ceci n'est pas de bon conseil pour toi. ولا يغتر بمن يقول إنه يجوز أخذ العلم عن أهل البدع. Et on ne doit pas être trompé et être leurré par ceux qui nous disent qu'on peut prendre la science des innovateurs. Al-asl anna ahl as-sunnah wal jamaa'a la ya'khuduna al-'ilma 'an ahli al-bid'ah bal yahjurunahum wa la yasma'una minhum la qur'anan wa la sunnah. Donc je disais que la base chez les gens de la sunnah, c'est qu'ils ne prennent pas la science des innovateurs, mais qu'ils les délaissent. Ils les délaissent et ils n'écoutent rien d'eux. Ni du Coran, ni du Hadith. Les gens de la Sunna boycottent les gens de l'innovation. هذا هو الأصل. Ceci est la base. والعلماء أجازوا أخذ العلم عن أهل البدع بشروط. عند الضرورة بشروط. عند الضرورة بشروط. Donc les savants ont autorisé de prendre la science chez les innovateurs dans des situations de contrainte et selon certaines conditions. et sous certaines conditions. هذه الشروط اولا ces conditions sont telles. اولا ان لا يوجد هذا العلم الا عند هذا المبتدع. La première des choses, la première des conditions, c'est que cette science, on ne la trouve pas sauf chez cet, sauf chez cet innovateur. Il n'y a que lui qui enseigne cette chose-là. Ça, c'est la première des conditions. يفهم من هذا أنه إذا وجد من أهل السنة من يدرس هذا العلم فلا يؤخذ عن هذا المبتدع. Donc, on comprend par là que s'il y a des gens de la sunna, s'il y a des salafis qui enseignent cette science-là, alors on n'a pas à aller prendre la science de cet innovateur. Car la première condition, c'est qu'on ne trouve cette science que chez cet innovateur. On ne le trouve pas chez les gens de la sunna, cette science. On ne la trouve pas chez les gens de la sunna. Donc, ça c'est la première des conditions. Ash-shartu thani, la deuxième des conditions que les savants ont émis en ce qui concerne le fait d'aller prendre la science chez les innovateurs, أن يكون الإنسان بحاجة إلى هذا العلم. Que la personne, que l'étudiant ait besoin de cette science. Que l'étudiant ait besoin de cette science. Qu'il ait besoin de cette science. Donc il a besoin de cette science et il ne la trouve que chez cet innovateur. هذا شرطان. Hadan, Shartan. Ceci donc sont déjà deux conditions. Ash-shartu thalith. La troisième condition. An ya'man at-talibu al-wuqu' fi bid'at hadha al-mubtadi'. Donc, la troisième condition c'est que l'étudiant soit à l'abri de tomber dans l'innovation de cet innovateur. Qu'il soit à l'abri de tomber dans l'innovation de cet innovateur. ولا يخشى أن يشككه هذا المبتدع أو أن يلقي عليه بعض الشبه التي لا يجد المخرج منها. Et donc qu'il ne craigne pas. Nous avons dit qu'il soit à l'abri de tomber dans l'innovation de cet innovateur. Et qu'il ne craigne pas que cet innovateur lui apporte des ambiguïtés et lui mette des doutes sur la sunna. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة حينئذ قد أجاز العلماء أخذ العلم عن أهل البدع. Donc une fois que ces trois conditions sont réunies, là seulement là, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, il sera permis d'aller prendre la science des innovateurs. Si tu ne trouves cette science que chez eux, et que tu as besoin de cette science, c'est une science qui est essentielle pour toi, importante pour toi, et que tu es à l'abri de tomber dans leur innovation. Tu es à l'abri de tomber dans leur innovation. وَهَذَا شَرْتُ الثَّالِثِ بِأَنْ تَكُونَ مُسَلَّحًا بِالْعِلْمِ تعرف بدعهم وشبههم وتعرف الحق والباطل وتعرف كيف تبين الحق وكيف تحذر من الباطل وكيف ترد على الباطل. Et cette troisième condition, que tu sois à l'abri de tomber dans son innovation, c'est-à-dire que quoi? Que tu aies de la science, que tu aies de la connaissance, que tu aies de la connaissance de la sunna, et que tu saches comment la démontrer et l'argumenter, et que tu connaisses le faux et tu connaisses son innovation et son ambiguïté, et que tu sais comment la réfuter et comment y répliquer. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas comment répliquer à son innovation et à son ambiguïté, alors tu n'as pas le droit de rentrer dans ce domaine. Même si tu as besoin de cette science, et même si cette science ne se trouve que chez lui, si tu crains de ne pas pouvoir répliquer à ses ambiguïtés, et que donc ces ambiguïtés vont rentrer dans ton cœur, alors à ce moment-là tu n'as pas le droit d'aller étudier chez lui. لأن كما تقول القاعدة الشرعية الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Il y a une règle, car il y a une règle de fiqh, une règle religieuse qui dit on fait prévaloir ou le fait de se préserver d'un mal, le fait de se préserver d'un mal prévaut sur le fait d'obtenir un bien. Se préserver d'un mal prévaut sur le fait d'obtenir un bien. Donc lorsque tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu peux avoir un mal et tu peux avoir un bien, eh bien tu vas t'en écarter afin de ne pas être touché par ce mal. Et cette règle, les savants sont unanimes dessus. Les savants sont unanimes dessus. وكذلك الناصح أن يكون هذا الذي تدرس عنده بعدما كان ملتزما بالدين وبالسنة كذلك يدعوك إلى السنة ويدعوك إلى قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة يدعوك إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف ويدعوك إلى طاعة الله لا يدعوك إلى معصية الله عز وجل. Également donc celui qui est de bon conseil, donc une fois que nous avons dit qu'il faut qu'il soit qu'il suive la religion et qu'il pratique la sunna, qu'il pratique la religion et qu'il suive la sunna, ça c'est en lui-même. Et également il faut que ce soit quelqu'un qui appelle les gens au livre, au Coran et à la sunna et à la voix des salafs. Il appelle les gens à l'obéissance d'Allah et de son prophète. Il n'appelle pas les gens au péché, ou à l'innovation, ou à la mécréance. فَإِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذَانِ الصِّفَتَانِ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذَانِ الصِّفَتَانِ الْإِفَادَةِ وَالنُّصْحِ فَحِينَ إِذٍ خُذْ مِنْهُ وَتَعَلَّمْ مِنْهُ وَاسْتَفِدْ مِنْهُ. Donc une fois que ces deux qualités sont réunies chez celui de qui tu veux prendre ta science, à savoir qu'il ait de la science et deuxièmement qu'il soit de bon conseil, qu'il soit profitable et qu'il soit de bon conseil, une fois que tu trouves donc cette personne qui a ces deux qualités-là, profite de lui et prends la science de lui et étudie chez lui. وَهَكَذَا تَنَالُ الْعِلْمِ الْكَثِيرِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرًا. Et c'est ainsi que tu vas prendre beaucoup de science dans un temps limité. تحفظ المتون وتدرسها وتقرأها وتقرأ شروحها على أهل العلم على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. Donc en faisant donc en ayant cette méthodologie de mémoriser les livres résumés et succincts comme nous avons dit précédemment, Et de les étudier donc, une fois que tu les as mémorisés, de les étudier avec des gens de science, parmi les gens de la sunna, parmi les salafis, si tu suis cette méthodologie, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, tu vas obtenir beaucoup de science en un temps limité. وَلَعَلَّنَا نَقِفُ عَلَى هَذَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.